Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Magnus Hirschfeld, l'Einstein du sexe. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Zusammenstehen in jeder Not und Gefahr. Liberté, Égalité, Fraternité. Homosexualité. Nous sommes une confrérie réunie et se tenant debout face au danger et à la détresse. Liberté, égalité, fraternité, homosexualité, clament Magnus Hirschfeld et ses compagnons de combat dans cet extrait du film L'Einstein du sexe. Médecin, juif et homosexuel, Magnus Hirschfeld, qu'on a justement surnommé l'Einstein du sexe, est un pionnier de la sexologie. En 1919, il fonde à Berlin le premier institut de sexologie au monde et toute sa vie, il va se battre pour la dépénalisation de l'homosexualité. Hirschfeld est le premier à s'intéresser à la sexualité sur des bases scientifiques. L'héritage qu'il nous laisse est immense. Eh bien, bon sang, bonsoir. Sonne les trompettes, la reine est de retour. T'es sortie comme ça dans la rue et personne t'a cassé la figure. Tu t'es pas dit que c'était de la folie? En fait, je ne risque rien. J'ai un laissez-passer de travesti. Je ne peux pas me faire arrêter. C'est quoi un travesti? C'est comme une tantouse? Un travesti, c'est une personne comme moi. Je suis un travesti. On dirait tante Esther habillée comme Magnus ça. Magnus a obligé la ville à nous donner des laissez-passer. C'est qui, Magnus? C'est ton amoureux? Non. Magnus? Non, c'est pas du tout. C'est le directeur de l'institut où travaille Gittel. Tu t'appelles Gershon? Je m'appelle Gittel. Tu sais très bien que je m'appelle Gittel. Aujourd'hui, tu t'appelles Gittel et demain, ce sera peut-être édité. Après-demain, Dieu sait quel nom ce sera. Tu vas me le présenter. Qu'avez-vous fait à mon fils? Elle s'appelle Gittel. Gittel? Quel prénom horrible. C'est le prénom qu'elle a choisi. Et on est où ici? Au cirque? C'est un lupanard? Non. Un zoo pour animaux en rut? Vous essayez de fonder une religion basée sur une sexualité débridée? Je ne crois pas en la religion. Je crois uniquement en la science. Je crois en la vérité. Je crois en la raison. Au progrès. Regardez autour de vous. Regardez. Vous vous trouvez dans ma bibliothèque. Et à côté, il y a mon musée. On se trouve juste en dessous du laboratoire de médecine. Ça vous fait rire? C'est ça, l'avenir! Extrait de la série américaine Transparent, diffusée en 2015 et dans lequel il est question de Magnus Hirschfeld pour nous présenter cette importante figure de la sexologie, du combat également pour la reconnaissance des droits des homosexuels qu'a été Magnus Hirschfeld. Je reçois la romancière Brigitte Giraud qui vient de publier le roman Jour de courage, un roman qui gravite justement autour de cette figure de Magnus Hirschfeld. Brigitte Giraud, bonjour. Bonjour. Quelle place il occupe d'abord, Magnus Hirschfeld, dans l'histoire de la sexologie, Brigitte Giraud, mais aussi dans l'histoire du combat des homosexuels pour la reconnaissance de leurs droits? Mais en fait, c'est un pionnier, c'est vraiment un avant-gardiste, on peut dire un chef de file, celui qui est allé au bout, qui était un résistant, qui a sacrifié sa vie, et puis c'était aussi un intellectuel. Pour aujourd'hui, grâce à Magnus Hirschfeld, il nous donne des repères très forts, mais il est hélas plutôt oublié. Oui. Et pourtant, donc, d'une importance fondamentale. Puis ce qui est intéressant, vous l'évoquez déjà, mais c'est qu'il agit sur deux fronts. Comme chercheur, comme scientifique, sa démarche, elle est d'abord scientifique, mais comme activiste également. Oui, exactement, parce qu'il s'est fondé sur ses recherches pour créer à la fois un institut dont on va parler et pour... combattre pour l'égalité des droits entre les hommes, les femmes, les hétérosexuels et les homosexuels. Vous venez de publier un roman qui gravite autour de cette figure de Magnus Hirschfeld. C'est un roman, au fond, qui se passe à l'époque actuelle. C'est un peu l'astuce du roman, c'est de raconter le drame d'un jeune homosexuel qui fait son coming out, mais en rappelant cette figure de Magnus Hirschfeld dans cette réalité d'aujourd'hui. Parlez-moi de ça. Comment avez-vous, vous-même, fait la découverte de Magnus Hirschfeld? Alors en fait, juste pour parler rapidement du roman, c'est un garçon qui a 17 ans qui va faire un exposé dans le cadre de son cours d'histoire sur les premiers autodafés nazis et il choisit un angle très particulier. Il parle de la figure de Magnus Hirschfeld, de son combat. C'est un genre de coming out sans jamais dire « je ». Ouais. Alors moi-même, j'ai rencontré la figure de Magnus Hirschfeld en faisant des recherches sur les premiers autodafés nazis, puisque... En ce moment, il me semble qu'on est dans une période où la pensée, où la langue, où les idées qu'on pourrait qualifier de non conformes commencent à prendre un petit peu de terrain. Et ce que je voulais comprendre dans les autodafés, la montée du nazisme, c'est pourquoi le peuple allemand ne s'est pas rebellé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la figure de Hirschfeld. Puisqu'il a été victime lui-même de cette montée du nazisme, et puisque son fameux institut, dont on parlera dans quelques minutes, qu'il fonde à Berlin, premier institut de sexologie au monde, va lui-même être mis à feu. En fait, on va brûler la collection de livres de l'institut. Oui, exactement. C'est-à-dire que dans cet institut, il y avait tout un tas de choses dont nous allons parler, mais il y avait aussi une grande bibliothèque avec 20 000 volumes de textes qui parlaient de sexualité, mais d'une façon très large, d'un point de vue littéraire, poétique ou anthropologique. Puis il y avait une grosse collection de photographies, 350 000 photos, qui ont fait l'objet d'un des premiers autodafés de la part des nazis. Et l'Institut a été mis à sac et saccagé. Ouais. Donc c'est par votre intérêt, encore une fois, aux autodafés, que vous êtes remonté jusqu'à Hirschfeld. Parlons de son parcours à Magnus Hirschfeld comme tel. Très tôt dans sa vie, il va s'engager dans le combat pour dépénaliser l'homosexualité. Comment ça se fait pour lui? Le déclic, qu'est-ce qui le pousse à s'engager dans ce combat? Alors en fait, il est lui-même, il est juif, il est lui-même homosexuel, il est fils de médecin et il a été aussi médecin sur le front pendant la guerre de 14-18. Donc il a vu de très très près on va dire, l'humanité ou la déshumanisation des hommes. Et il recevait des homosexuels dans son cabinet en tant que médecin et il s'est rendu compte de la détresse de certains d'entre eux et notamment un de ses patients s'était suicidé. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a essayé d'enrayer cette chose terrifiante. Donc se battre pour l'acceptation de l'homosexualité et pour, à l'époque, en Allemagne, et pendant très longtemps, ce sera illégal d'être homosexuel et pour lui, c'est un non-sens. On ne peut pas, si l'homosexualité est innée, on ne peut pas pénaliser criminellement le fait d'être homosexuel. C'est un petit peu ça la bougie d'allumage, non? Oui, c'est un petit peu ça. Lui va essayer de démontrer que l'homosexualité n'est ni une maladie, ni un crime, ni un vice. Ouais. Donc c'est une base, avec des bases scientifiques, on peut en effet démontrer des choses assez simplement. Enfin, simplement, c'est pas si simple que ça, mais la science était à sa disposition, si on peut dire. Et il a essayé de lutter en tentant de faire supprimer le paragraphe 175 du Code pénal allemand, qui était celui qui pénalisait et criminalisait les homosexuels. Là, on est au début des années 20. Et pour ce faire, il arrive à réunir environ 5000 signatures. Et dans ces signatures, il y avait les intellectuels les plus pointus, si on peut dire, de l'époque. Donc il y avait, par exemple, Einstein, il y avait Freud, il y avait Stefan Zweig, Rilke, Émile Zola, Tolstoï ou Thomas Mann. Et ça veut dire qu'il était dans une lutte qui était en train de prendre corps. Et il me semble que si les nazis n'étaient pas arrivés au pouvoir, il aurait pu réussir. Ouais. Et cette bataille, donc, il la commence déjà dès la fin du 19e siècle en fondant le Comité scientifique humanitaire en 1897. Il va, dès 1910, vous parliez de pionnier au début de l'émission, sa vie et ses travaux nous montrent bien à quel point, effectivement, il a été pionnier. Dès 1910, il commence à publier des textes sur le phénomène des travestis, les femmes soldats. Parlez-moi de ça, Brigitte Giraud. Alors, en effet, il y avait quelque chose qui lui tenait aussi particulièrement à cœur, c'était la question des travestis et cette question de femmes soldats. C'est-à-dire que pendant la guerre de 14-18, il y avait des femmes, il s'est rendu compte de cela, qui, pour pouvoir aller combattre, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'aller combattre en tant que femmes, devaient s'habiller avec des habits militaires masculins. Et il s'est posé la question de savoir si c'était vraiment pour aller guerroyer ou si ce n'était pas une façon de s'habiller en homme et de vivre dans la peau d'un homme en tant que travesti. Et finalement, et personne ne s'en est rendu compte, si ce n'est que certaines de ces femmes, quand elles sont mortes au champ d'honneur, si on peut dire, et quand elles ont été portées en terre, on a découvert, sous les vêtements militaires, des corps de femmes. Donc c'est quelque chose qui... Il n'a pas résolu la question, mais il s'est vraiment intéressé de près. Et puis d'une autre façon, dans l'autre sens, et on a entendu cela dans le petit sujet que vous avez diffusé juste avant, il avait réussi auprès de la police de Berlin de faire en sorte que les travestis aient un laissez-passer et ne soient pas embêtés par la police, ce qui est tout de même assez fort. Et ce qui nous ramène à cette... c'est ça qui est fascinant, entre autres, dans son parcours, à ces deux pôles, chercheur, vraiment intellectuel, mais en même temps activiste. Il participe de manière très active au combat pour la reconnaissance des droits de la communauté LGBT, déjà à l'époque. 1919, c'est une date vraiment très importante. Magnus Hirschfeld fonde l'Institut de sexologie. Cet institut-là est basé à Berlin. Est-ce qu'on peut dire, Brigitte Giraud, que la fondation de cet institut, c'est déjà en soi... Une manière de petite révolution? Ah oui, c'est une petite et même une presque grosse révolution, ouais. Parce que c'est la première fois au monde qu'existe un institut de sexologie. Donc, ce qui se passait dans cet institut de sexologie, finalement, c'est assez simple. Il recevait des hommes, des femmes, des homosexuels, des hétérosexuels pour des consultations, c'est-à-dire tout ce qui pouvait concerner la sexualité, les questions de contraception déjà à l'époque, les questions de maladies sexuellement transmissibles. La syphilis faisait rage au début du siècle. Et il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des groupes de parole, c'est-à-dire que c'était un endroit où les gens pouvaient se rencontrer, pouvaient demander des conseils, pouvaient se parler. Il y avait en effet cette bibliothèque dont j'ai parlé juste avant, qui pouvait être consultée. Et puis, il y avait aussi à l'étage quelque chose d'un peu particulier, parce que là, c'était... Alors, il y avait aussi un laboratoire, mais à l'étage, il y avait également des chambres dans lesquelles les patients pouvaient être hospitalisés. Et il faut dire que c'est aussi dans cet institut qu'a eu lieu la première opération de changement de sexe. L'espace d'un instant, je n'étais plus moi. L'espace d'un instant, je n'ai plus été que Lily. Lily n'existe pas. C'était un jeu pour nous. Quelque chose a changé. Il s'est perdu. Il a besoin d'un ami. Laisse-moi t'aider. Je pense ce que Lily pense. Je rêve ce dont elle rêve. Elle a toujours été en moi. En fait, je crois que je suis une femme. Et je le crois aussi. Ce genre d'intervention n'a encore jamais été pratiqué. Tu es toute ma vie. Ça pourrait te tuer. C'est mon seul espoir. Ce corps n'est pas mon corps. Je dois m'en séparer. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu m'as permis d'éclore. Extrait de la bande-annonce du film de Tom Hooper, The Danish Girl. Dans ce film, on raconte l'histoire de Lily Elbe et ça nous ramène à cette première opération dont vous parliez, Brigitte Giraud. C'est à l'Institut de sexologie de Berlin que va effectivement se faire la première opération de changement de sexe de l'histoire. Racontez-nous, et c'est donc Lily Elbe qui va être la patiente qui au cœur de cette première intervention. Racontez-nous un petit peu son histoire. Alors en fait au départ c'était un homme hein, qui s'appelait Einar Wegener, voilà, il vivait au Danemark, c'était un peintre qui avait étudié la peinture à la Royal Academy de Copenhague, qui peignait d'ailleurs plutôt des paysages. Il s'est marié avec une femme dessinatrice du nom de Gottlieb, et ce qui est arrivé c'est qu'un jour sa femme avait un modèle qui lui a fait faux bond, donc elle a demandé à Einar, son mari, de poser, mais il fallait qu'il pose en tant que femme, donc il a posé habillé en femme avec des talons hauts, donc pour remplacer ce modèle absent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à s'identifier à une femme. Donc il a été ensuite opéré quelques années plus tard. Il y a eu 4 opérations. La première a été effectuée en effet à l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld. Et puis, donc il est devenu Lily Elbe. À partir de l'opération, il a cessé de peindre parce qu'il voulait endosser une nouvelle identité. Mais hélas, il a fini par mourir au moment où là, on n'était plus à Berlin, mais là, on était à Dresde. On lui a greffé un utérus et visiblement, il y a eu un rejet de greffe. Je crois que c'était 1 an et demi ou 2 ans plus tard. Mais cet épisode-là, de cette opération, Lily Elbe, encore une fois, nous ramène au côté avant-gardiste qu'a eu cet institut de sexologie de Berlin. Ah, c'était absolument avant-gardiste et on peut comprendre aussi pourquoi cet institut ne plaisait pas trop aux nazis qui allaient commencer à bientôt prendre le pouvoir. Évidemment, on était dans quelque chose d'assez d'assez transgressif. Ouais. Et de fait, la montée du nazisme et l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933 vont avoir d'énormes conséquences pour l'Institut, mais pour la vie de Magnus Hirschfeld lui-même. Je dis nur so viel, wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Les bûchers de livres en mai 1933 étaient une façon de montrer au peuple allemand qui étaient ceux qui propageaient les idées modernes, nocives, une pensée juive dont il ne fallait pas s'approcher. Ce sont les étudiants de l'organisation nazie qui ont demandé à Goebbels de venir faire un discours. Ces étudiants lui demandaient d'épurer les bibliothèques, de nettoyer les universités de l'influence juive. Et Goebbels y a vu un formidable exercice pédagogique. Brûler des livres. Brûler des idées. C'était un geste fort. Extrait du documentaire franco-allemand « Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs d'Europe » réalisé en 2014. Vous entendiez dans cet extrait les historiens David Cesarani et Elke Frolich qui parlaient de l'autodafé du 10 mai 1933. Ce jour-là, des milliers de livres sont brûlés à Berlin par un groupe d'étudiants nazis. Quelques jours plus tôt, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est le contenu de la bibliothèque de l'Institut de sexologie fondée par Magnus Hirschfeld qui avait subi le même sort. Et ça nous ramène, Brigitte Giraud, à ce qui vous a fait découvrir la figure de Hirschfeld, votre intérêt pour les autodafés. Parlez-moi de ça, de cette montée du nazisme, des autodafés, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, tout ce que ça va vouloir dire, tout ça, dans la vie de Magnus Hirschfeld. Oui, ce qui était terrible pour Magnus Hirschfeld, c'est qu'au moment où il commençait à avoir vraiment imposé son institut et imposé ses recherches scientifiques, la montée du nazisme est venue mettre un frein et bouleverser tout cela. C'est un moment où Magnus Hirschfeld donnait des conférences dans le monde entier. Il était extrêmement suivi et ses conférences ont commencé à être chahutées. Il y a même eu des attentats directement auprès des gens qui assistaient à ces conférences à Berlin. Lui-même, il a été passé à tabac plusieurs fois. Il a même été laissé pour mort une fois de trop. Et il a pu, au moment où l'Institut a été saccagé, pillé et incendié par les nazis, là c'était le 6 mai 33, donc quelques jours avant le grand autodafé de la place de l'Opéra du 10 mai 33 qu'on a appelé la nuit de la honte, à ce moment-là, lui, il est déjà parti en exil à Zurich. Et ensuite, il va passer par les États-Unis et venir se réfugier en France, à Nice, où il va vivre encore 2 ans pour mourir probablement de chagrin en 1935. Ouais. Donc il aura payé vraiment très cher. Ouais. Évidemment, on comprend bien avec cette montée du nazisme, il ne fait pas bon être homosexuel dans cette Allemagne du Troisième Reich, ça c'est certain. On parle de cette réalité-là très concrètement, ce que ça a voulu dire dans un instant avec vous, Brigitte Giraud, mais on écoute d'abord à ce sujet l'historien Jean Boisson à l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, en 1988. Je crois que, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup, l'homosexualité a été poursuivie non pas pour des raisons de morale par rapport aux principes judéo-chrétiens, mais par rapport au plan racial de Hitler. Et pour asseoir la domination de la race aryenne à travers l'Europe, Hitler voulait la qualité et la quantité. C'est au nom de la qualité qu'il a fait exterminer les juifs et les tziganes, et c'est au nom de la quantité qu'il a fait exterminer les homosexuels parce qu'ils se refusaient à faire des enfants. Oui. Et que là, il y avait une mobilisation nataliste. Il y avait une énorme mobilisation nataliste, d'abord parce qu'en 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir, la natalité, pour beaucoup de raisons, était un taux très faible. Et Hitler avait ordonné que chaque famille ait au moins 4 enfants. Oui. Et les homosexuels, bien sûr, n'en faisant pas, ont été considérés comme des ennemis de la race. Et je crois que c'est ça qui est important. Et ce n'est pas par rapport au principe de la morale judéo-chrétienne qu'ils ont été exportés, mais parce qu'ils nuisaient à la quantité de la race. Oui. Alors, que vivront concrètement les homosexuels sous ce régime du Troisième Reich, Brigitte Giraud? Mais ça va être terrible, parce qu'à partir de 1933, les organisations homosexuelles vont être interdites, donc leurs livres brûlés, comme on l'a vu. Il y a le fameux paragraphe du code pénal qui va se durcir, ce qui veut dire qu'il y aura aussi les nazis homosexuels, parce qu'il y avait des homosexuels nazis qui vont être exécutés pour montrer l'exemple. Et le code pénal va être la base qui va permettre de tenir des listes et d'emprisonner les homosexuels et pour certains de les déporter. Donc je crois qu'entre 1933 et 1945, il y a environ 100 000 hommes qui ont été fichés. Il y a environ 50 000 hommes qui ont été officiellement condamnés. Et environ 10 000 qui ont été envoyés dans des camps où une grosse moitié ne va pas revenir. Il faut dire que quand ils étaient dans les camps, ils étaient particulièrement maltraités, évidemment, par les gardiens et par les codétenus. Et ils étaient obligés de porter ce fameux triangle rose, hein, avec la pointe vers le bas. Et ça a été absolument terrible pour eux. Alors il y avait la préservation de la race, en effet. Il y avait le risque pour la fécondité dont on a parlé. Et puis les nazis ont aussi parlé d'un problème d'hygiène publique. Voilà l'ensemble de tout ce qu'on pouvait leur reprocher. Ouais. Le temps file, on arrive déjà au moment de parler de l'héritage que nous laisse Magnus Hirschfeld. Comment décrire, comment résumer cet héritage, Brigitte Giraud? Alors l'héritage, on l'a dit, ça a été un chef de file, mais c'est aussi quelqu'un qui a laissé une œuvre publiée, une œuvre traduite en français, avec des textes assez importants, par exemple « Le tour du monde d'un sexologue », L'âme et l'amour, ou le corps et l'âme, le corps et l'amour, pardon. Donc, ce qu'il nous donne aussi, c'est quand même l'idée qu'une résistance est possible, qu'il est possible en travaillant dur et en résistant fort de changer les mentalités. C'est ce qu'il avait fait. Et il reste un repère très fort pour les homosexuels d'un certain âge, pas tant pour les jeunes. Et il est enterré à Nice, en France, où je sais que la communauté LGBT se réunit une fois par an au moment de l'anniversaire de sa mort. Donc c'est quelqu'un qui existe aujourd'hui encore pour ses militants, pour cette communauté LGBT. Oui, c'est quelqu'un qui existe, mais qui a été oublié. Et c'est vrai que l'idée d'écrire ce roman, Jour de courage, pour moi, c'était aussi le remettre au devant de la scène, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a besoin, dans tous les domaines, de personnes qui soient des résistants derrière lesquels on pourrait emboîter le pas. Brigitte Giraud, auteure d'une dizaine de romans, je le rappelle, dont tout récemment le roman « Jour de courage », justement, dans lequel la figure de Magnus Hirschfeld est évoquée. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.